pour l'argent, la vie maintenant. C'est bien pour tout le monde, surtout pour moi tout seul. L'oseille, je veux de l'oseille pour me renifler et me renflouer du flouze. Et m'appeler dans la, des bras et des six, des florins et des liens. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi son. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi son. Du blé, du blé. J'ai l'air d'un malheureux. Faut garder ses amis, la maison fait plus de crédit. Des fric, des sacs et des briques, un peu pour la sieste, un peu pour le zeste. Des snops, des marqués dollars, des francs et des suisses, des dorades et des yens. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Et me renflouer du flou. Des marqués dans la, des francs et du six, des florins et du yen. Pognon, pognon.